deuxième temps d'une série de La Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire des pirates. Ce matin, émission d'archives autour de la piraterie dans l'Antiquité en Méditerranée. Après avoir hier tenté de comprendre la différence entre qualificatifs de pirate, de flibustier ou encore de corsaire avec l'historien Philippe Rodège, et avant demain de nous demander ce que l'archéologie peut nous apprendre, et elle nous en apprend beaucoup, de cette histoire de la piraterie aux Antilles, dans l'océan Indien, ou même de la course dans la Manche par exemple, nous allons ce matin dans notre émission d'archives du mardi avec Victor Massé de l'Épinay tenter de comprendre ce qu'était la piraterie dans la Méditerranée antique. Quand le mot de pirate s'impose-t-il? Que recouvre-t-il? Comment en faire une histoire sociale, tant les représentations littéraires nous bougent peut-être la vue sur la réalité de ce qu'était la piraterie dans l'Antiquité. Donc, voilà quelques-unes des questions que nous poserons à nos deux invités en direct des studios de France Bleu Gard Lozère à Nîmes, qui les accueillent et nous les remercions. Et ils commenteront des textes lus par Nathalie Canoui. Ces deux invités sont Claude Saintès, conservateur en chef du patrimoine, donc, et directeur honoraire des musées d'Arles depuis un mois. Donc, il est donc auteur, entre autres, de Sur la mer violette, naviguer dans l'Antiquité, et de Les pirates contre Rome dans la collection Realia, Les belles lettres, et avec lui, à côté de lui, donc à Arles, Catherine Wolff, professeure d'histoire romaine à l'Université d'Avignon, auteur d'un livre sur les brigands sous le Haut Empire, publié à l'École française de Rome. Papa, souquez les Artémuses. Du calme, ma fille, du calme. En plus, ça veut rien dire, souquez les Artémuses. Ah, c'est ça, je me disais aussi. Combien de navires, Baba ? Un seul, capitaine ! Tout petit, vu d'ici ! Égyptien, capitaine ! Égyptien ! Égyptien, ça c'est bon, ça. On va se refaire avec ça. Ipso facto, et manu militari. Je peux pas tout. Tout le monde à son poste ! Pouchko, double rampe, faux mode, drissez les escabèches. Crâne dur, surin, tête de mort. Mire souffler les artibans. Allez. À la boudage. Vous l'avez reconnu. Vous l'aurez reconnu, il s'agit d'un extrait du film d'Alain Chabat, Mission Cléopâtre, à partir de l'œuvre de Goscinny et d'Uderzo sur Astérix, avec cette figure récurrente dans toutes ces aventures d'Astérix. Évidemment, des pirates supposés être des pirates de l'Antiquité, mais on est très loin de la réalité que nous allons décrire dans cette émission d'aujourd'hui. Avec vous, Victor Massé de l'Épinay, bonjour. Bonjour Emmanuel. Et avec nos deux invités, donc, qui sont en direct des studios de France Bleu Gard Lozère à Nîmes, Claude Saintès. Bonjour. Oui, bonjour. Et bonjour Catherine Wolff, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, tout de suite, Catherine Wolff, vous êtes spécialiste, vous avez travaillé entre autres sur les façons dont la littérature romaine donc a parlé de ces pirates. Évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient d'entendre, mais ça permet aussi de parler de l'anachronisme souvent lorsqu'il s'agit de piraterie, parce que ce dont nous avons parlé hier avec Philippe Rodège, à savoir ces pirates exaltés, pourrait-on dire, que nous trouvions dans les Caraïbes, dans l'océan Indien, ou un peu partout à l'époque moderne, ont parfois fait obstacle à la véritable piraterie antique et permettent d'avoir un Barberousse donc tel qu'il est décrit par Goscinny dans ses albums, alors qu'évidemment ça n'était pas le cas. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette façon de raconter la piraterie telle qu'elle était pratiquée par les rhéteurs, les littérateurs romains? Pour les auteurs de l'Antiquité, il n'y a aucune exaltation, aucun romantisme, si on peut utiliser ce terme, quand il s'agit de décrire les pirates. Ce sont toujours des êtres qui sont hors civilisation, qui sont toujours présentés comme des créatures sanguinaires, qui n'ont aucun idéal, qui n'aiment que répandre le sang, brûler les navires. Et donc, on est très, très loin de ce monde un petit peu... Romantisé. romantisée des barbares, des corsaires, pardon, ou d'autres figures de ce type-là. Le pirate n'est jamais présenté de façon positive, sauf quand il s'agit de lui opposer un être civilisé qui agit mal. Mmh. Et dans ce cas-là, pour renforcer la comparaison, on lui oppose le pirate qui peut, à l'occasion, avoir manifesté des sentiments positifs. Mais c'est le seul moment. C'est une sorte de repoussoir, pourrait-on dire, de barbare d'une autre manière. Claude Sintès, vous avez travaillé sur la longue durée, puisque vous êtes plutôt spécialiste d'histoire romaine, mais vous vous êtes intéressé pour le livre qui s'intitule « Sur la mer Violette », publié aux Belles Lettres, à la façon dont on navigue dans l'Antiquité, et les premiers à parler de piraterie, peut-être parce qu'ils sont les premiers à occuper et à pouvoir le raconter, ce bassin méditerranéen qui va être au cœur de notre affaire aujourd'hui. Eh bien, ce sont les Grecs, avec évidemment une navigation qui est permanente, qui relie entre elles les îles et le continent. Et c'est la première fois où on peut mentionner peut-être cette notion de piraterie qui va ensuite se répandre d'une autre manière dans l'Empire romain, Claude Sintès. Oui, c'est exactement ça. Les premières mentions claires interviennent dans les textes grecs, mais il y a quand même un glissement. C'est-à-dire que pour les Grecs, le pirate n'est pas quelqu'un de complètement négatif. Et Aristote, par exemple, dans son Économique, n'hésite pas à dire que c'est un peu un commerçant comme les autres, simplement il a une action plus violente. Mais il n'y a pas de vision totalement négative. En revanche, avec la République romaine, qui commence à grandir et à prendre sa place, la place que l'on sait dans le monde méditerranéen, le pirate devient quelqu'un de plus en plus gênant. Il met en cause l'expansion de Rome, il coupe les lignes qui approvisionnent en blé la grande cité, etc. Et là, on voit les mots changer, les mots pour le décrire commencent à changer, jusqu'à Cicéron qui les traite d'ennemis du genre humain. Hein. C'est ça, il dit exactement, c'est le pirate, c'est l'ennemi de toutes les nations. Donc, d'une figure relativement neutre, voire même positive, le pirate, c'est celui qui fait du butin, un peu comme un soldat, de manière courageuse, etc. On voit apparaître un pirate qui est un être détestable, et que ma collègue vient de décrire à l'instant. Victor Massé-Lépine. Oui, je voudrais commencer par revenir un peu sur Astérix. C'est intéressant d'avoir commencé par ça, parce que dans Astérix, les pirates interviennent dans chaque album, mais c'est toujours une page ou deux. Ils sont toujours tout à fait à la marge des aventures, et ils sont là toujours pour mettre en avant les qualités des héros d'Astérix et d'Obélix, en l'occurrence. Et dans la littérature grecque et romaine que vous avez étudié l'un et l'autre, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que les pirates sont toujours une sorte de figure un peu neutre, comme ça, une sorte de topos qu'on amène un moment pour montrer comment les gens s'en sortent ou comment la cruauté arrive, etc. Mais il n'y a pas de source véritablement centrée sur les pirates, et les sources sont donc assez fragmentaires, Catherine Wolf. Oui, effectivement, aussi bien dans les romans que dans les déclamations, ou bien même dans les pièces de théâtre, hein, de Plaut ou de Terence, les pirates sont presque des figures obligées qui permettent à l'action de rebondir, aux héros de subir des malheurs, etc. Mais ce sont des gens qui sont anonymes, portent rarement un nom, et c'est plutôt effectivement un archétype, mais c'est quand même aussi relativement proche de la réalité, parce que quand on regarde les textes juridiques, on s'aperçoit que les pirates font partie des dangers du monde maritime, au même titre que les naufrages, les tempêtes, etc. Nous avons choisi pour commencer cette émission d'archives un texte d'un classicisme affirmé, puisqu'il s'agit du grand historien de l'histoire romaine qui était Théodore Mommsen à la fin du 19e siècle. Le voici qui explique donc comment, à ce moment-là, au moment de ses études sur la Rome antique, on peut, quand on s'appelle Théodore Mommsen, expliquer le phénomène de la piraterie. Nous y revenons avec vous deux dans un instant, un texte lu par Nathalie Canoui. L'organisation de la piraterie s'était du tout au tout modifiée. Ce ne sont plus simplement comme naguère de hardis forbans battant les mers de Crète entre Cyrène et le Péloponnèse, la mer d'or, selon leur langage, et prélevant tribut au passage sur le grand trafic d'articles de luxe et d'esclaves qui s'écoule d'Orient en Italie. Ce ne sont plus seulement ces chasseurs d'esclaves, armés jusqu'aux dents et menant de front la guerre, le commerce et la piraterie. Aujourd'hui, ils constituent toute une république de corsaires. Ils ont à eux une pensée commune, une organisation forte et imposante, une même patrie. Les fibustiers se donnaient le nom de Siliciens. Au vrai, leur vaisseau réunissait les aventuriers, les désespérés de tous les pays, mercenaires licenciés achetés jadis sur les marchés crétois de recrutement, citoyens bannis des villes détruites d'Italie, d'Espagne et d'Asie, soldats et officiers des armées de Fimbria et de Sartorius, enfants perdus de tous les peuples, transfuges et proscrits de tous les partis vaincus, tous ceux enfin que poussaient en avant la misère et l'audace. Et dans ces tristes temps, où donc n'étaient pas le malheur et le crime ? Ils se croyaient, ils se vantaient d'être en juste guerre avec le monde. Leur gain, c'était butin et non vol. Et si dans tous les ports romains, la croix dressée attendait leurs camarades d'armes prisonniers, ils se proclamaient en droit, à leur tour, de punir tout Romain fait captif de la peine capitale. Leurs vaisseaux, ces barques souris, comme on les appelait, petites nefs, fines voilières et non pontées, marchaient, massées en escadre régulière derrière les barques amirales, celles-ci éclatantes d'or et de pourpre. Un des leurs était-il en danger ? Appelait-il à l'aide ? Tout inconnu qu'il fût, leur capitaine volait à son secours. Voilà donc une vision, celle de Théodore Mommsen, grand historien de l'histoire romaine du XIXe siècle, qui peut-être est marquée par ce même XIXe siècle, par la comparaison dont on parle depuis le début de cette émission avec vous deux, Claude Sintès et Catherine Wolff, la comparaison avec les pirates et les corsaires du XVIIe et du début du XVIIIe siècle en l'occurrence. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il insiste aussi sur les moyens matériels, sur le rôle que peuvent jouer ces pirates dans ce bassin méditerranéen, en particulier à l'est de ce bassin méditerranéen, Claude Sintès. Oui, tout à fait. Ce texte de Mommsen, qui s'appuie sur de nombreux textes antiques et aussi sur des études comme celle de Jules Sestier, montre bien le glissement d'une piraterie qui, à l'origine, est une piraterie qu'on pourrait presque qualifier d'artisanale, c'est-à-dire c'est quelques individus qui se regroupent, qui volent un bateau ou qui en ont un, et qui ont une action certes ennuyeuse, mais relativement limitée. Et on part peu à peu à une piraterie généralisée. C'est-à-dire que, quelque part, à la fin de la République, vers le IIe siècle avant Jésus-Christ, Rome voit ses pirates pulluler. Dans un premier temps, ça l'intéresse plutôt, parce que ces pirates vont mettre sur le marché des esclaves à petit prix, et ça intéresse tous les marchands italiens, c'est un élément économique appréciable. Et peu à peu, ces pirates qui voient qu'il y a, pardonnez-moi l'expression, de l'argent à faire, eh bien, vont se regrouper, vont commencer à se retrouver, vont commencer à avoir des forces de plus en plus importantes, jusqu'à créer ce qu'on pourrait appeler, alors le terme n'est pas bon pour l'Antiquité, mais c'est pour que vos auditeurs le comprennent, pour créer une sorte de république pirate qui effectivement est centrée sur les côtes de l'actuelle Turquie, la Cilicie dont parle le texte de Mommsen. Victor Massel Épinay. On reviendra plus tard un petit peu sur la Cilicie et sur l'anéantissement peut-être de la piraterie à la fin du deuxième et au premier siècle avant Jésus-Christ. Mais sur ce texte de Mommsen, il y a quelque chose qui est intéressant pour les époques un peu plus reculées. C'est que Mommsen nous dit que les pirates mènent de front les activités de guerre, de commerce et de piraterie. Alors là, on est loin d'une république pirate totalement hors du monde, hors de la Méditerranée. On est dans une vision de la piraterie très insérée dans cette mer Méditerranée, avec des activités, en particulier de commerce. Alors vous avez évoqué les esclaves, Claude Sintès. Les pirates, c'était des commerçants avec qui on pouvait entrer en relation quand on était des peuples civilisés également. Oui, c'est exactement ça. Il y avait même des marchés dans lesquels, comme à Délos, par exemple. Le marché de Délos était le marché le plus connu, le plus couru de toute la Méditerranée. Et on savait parfaitement, en étant un notable commerçant, que l'on allait avoir affaire à des pirates. Et ces pirates étaient, comme vous le disiez fort justement, insérés dans le commerce, insérés dans un parcours d'achat, de vente. À telle enseigne qu'il y avait même un proverbe qui disait « Marchand, arrive, décharge ta cargaison, en quelques secondes, elle est vendue ». Voilà, je vous cite de mémoire, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire le marchand, c'est-à-dire le pirate, qui vient de faire du butin, le met sur le marché, le met à vil prix, et comme bah, c'est très intéressant, ça fait une belle affaire, les marchands honnêtes se précipitent, achètent ça, et repartent avec leurs emplettes sous le bras, si je puis dire. Mais... pas très heureux parlant d'esclaves, mais c'est un peu ça. Mais est-ce que ça veut dire que ces pirates peuvent justifier de l'origine de leurs marchandises, puisque le commerce était quand même assez réglementé? Il y avait par exemple, dans certains port ou dans certains comptoirs, des droits de douane, des taxes. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont une certaine légalité au-delà de ces petits marchés ou de ces grands marchés comme Delos où ils viennent vendre leur cargaison? Ah, tout à fait, ils sont complètement insérés. S'il faut payer des taxes, ils les paient. Il n'y a aucun souci et tout le monde est au courant qu'il s'agit d'une marchandise qui a été dérobée ou de personnes qui ont été kidnappées, comme on dirait aujourd'hui. Tout le monde le sait, mais si vous voulez, c'est une fiction qui permet à chacun de trouver son compte dans cette affaire. Arrêtons-nous sur ce cas de Delos que vous avez bien décrit déjà. Claude Saintès, c'est évidemment un cas particulier. Voici une île qui aujourd'hui apparaît à tout touriste qui se rend en Grèce comme une île déserte, qui l'est d'ailleurs, puisqu'on n'a pas le droit d'y séjourner la nuit en particulier, mais qui a été une sorte de hub commercial, comme on parlerait d'un hub commercial de Singapour ou de Dubaï pour le 21e siècle. En l'occurrence, un endroit considérable. Et c'est dans un endroit comme celui-ci que l'on pouvait justement faire des affaires parce qu'il se trouvait à la croisée de toutes les routes maritimes entre l'Est, le Nord, le Sud et l'Ouest de la Méditerranée, Claude Saintès. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'était une place qui était stratégique parce qu'elle permettait le croisement de ces routes commerciales. Elle permettait un mélange entre des marchands venant aussi bien d'Orient que d'Afrique que de l'Occident. Et à telle enseigne que lorsque les fouilles ont été entreprises sur cette île, on a trouvé toute une série de temples qui permettaient à chacun de retrouver ses dieux. Et vous avez les dieux classiques du Panthéon, mais vous aviez aussi des dieux orientaux, vous aviez des dieux africains. Ce qui fait que tout un chacun pouvait venir, pouvait commercer, pouvait avoir des contacts, et seulement là, parce qu'on ne faisait pas facilement le voyage vers l'Italie quand on était en Orient ou vers l'Afrique quand on était en Italie. Donc là, on avait un moyen de se rencontrer, on avait un moyen de traiter les affaires, et tout était prévu pour cela. Des salles qui permettaient des réunions, si je puis dire, pour ce terme d'aujourd'hui, des lieux où l'on pouvait se restaurer, des marchés bien sûr où la marchandise était placée, mais aussi des lieux où l'on pouvait se recueillir, remercier les dieux d'avoir eu une belle occasion ou de pouvoir ainsi demander la protection avant que l'on reprenne la mer pour éviter les problèmes qu'amènent souvent les tempêtes et les pirates parfois. Nous sommes dans le Délos, il faut le rappeler, deuxième siècle avant Jésus-Christ, Délos qui sera saccagé en 88 avant notre ère et puis ensuite en 69 par les pirates eux-mêmes d'ailleurs, donc, et qui verra la fin de ce lieu de plateforme commerciale gigantesque qu'était Délos pour toute la Méditerranée. Mais nous allons remonter dans la Grèce un peu plus haut dans le temps avec Thucydide et l'histoire de la guerre du Péloponnèse. Il nous parle des pirates tels qu'ils étaient vus par les Grecs d'autrefois, du 5e siècle et du 4e siècle, donc un peu plus haut dans le temps. Les Grecs d'autrefois, ceux des barbares qui habitaient le bord de la mer et ceux qui occupaient les îles, quand ils se mirent à se fréquenter davantage par mer, se livrèrent à la piraterie. Les plus puissants y cherchaient un moyen de s'enrichir et de nourrir les faibles. Ils s'attaquaient aux villes démunies de fortifications et aux peuplades répandues dans les bourgades, les pillaient et tiraient de ces expéditions la plupart de leurs ressources. Car la piraterie ne comportait aucun déshonneur, bien au contraire, elle n'allait pas s'en rapporter quelques gloires. Ce qui le montre bien, c'est qu'aujourd'hui encore, quelques populations maritimes se font honneur de la pratiquer. Et les vieux poètes font partout également demander aux navigateurs, par les personnages de leurs poèmes, s'ils sont des pirates. On voit bien que ceux à qui on adresse cette question ne désavouent pas cette occupation, et que ceux qui la posent ne considèrent pas la question comme offensante. De ce brigandage d'autrefois a subsisté la coutume pour les habitants de l'intérieur de circuler en armes. Un extrait de Thucydide, l'histoire de la guerre du Péloponnèse, dans cette émission consacrée aujourd'hui dans la fabrique de l'histoire à la piraterie antique. Un extrait lu donc par Nathalie Canoui. Et tout de suite, Victor Massé de l'Épinay. Oui, Catherine Wolff, je voulais vous demander comment il faut comprendre ce texte de Thucydide. Est-ce qu'il faut faire comme Montesquieu qui, dans l'Esprit des lois, nous explique que tous les Grecs anciens étaient des pirates et qu'il n'y a aucune condamnation morale à cette époque, donc 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ? Comme Claude Saintès l'a dit au début, si à partir du 5e, 4e siècle, il y a une condamnation, il commence à y avoir une condamnation morale, mais c'est vrai que pour les époques précédentes, la piraterie est considérée comme un moyen, comme un autre, de faire fortune. Et pour cela, il suffit de remonter un petit peu loin, mais de penser à Homère et à Ulysse. Lors de son voyage de retour vers Ithaque, il lui arrive de se comporter comme un pirate, c'est-à-dire d'attaquer des localités, de prendre du butin et de retourner sur son navire. Et vous racontez d'ailleurs qu'une des difficultés pour pouvoir distinguer le vrai du faux dans les topoi littéraires, les idées reçues transportées par les écrivains, en particulier de la Rome républicaine, de la fin de la République ou de la Rome impériale, eh bien, c'est justement de comprendre ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de faux dans ce que l'on dit du pirate. Le pirate, effectivement, il sert de repoussoir, expliquez-vous, à tous les bons citoyen romain, et donc à partir de ce moment-là, on ne sait pas très bien comment s'en tirer avec ces descriptions que vous avez analysées pour votre part, Catherine Wolff. Alors, il est vrai que les romans sont des romans et que donc les romanciers brodent, mais ils brodent à partir de la réalité. Mmh. Et nous avons quand même des inscriptions, des remarques d'auteurs comme Cicéron qui nous permettent quand même de toucher du doigt cette piraterie à petite échelle, parce qu'il faut faire la différence entre la piraterie à grande échelle dont parlait Claude Saintès il y a peu chez les Cyliciens et la petite piraterie à petite échelle qui, elle, n'a jamais disparu même sous l'Empire, mmh. et qui touche manifestement, enfin qui peut toucher quiconque entreprend un voyage en mer, que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre. Et ce que vous dites, c'est qu'effectivement, on peut être surpris de voir que quand un soldat pille, et vous parliez d'Ulysse tout à l'heure, quand un soldat pille, quand il viole, quand il brûle, quand il incendie une cité, eh bien, il n'y a pas de réprobation morale. Quand un pirate pille, viole, brûle une cité, la détruit, et bien là, il y a une réprobation morale qui est née, donc entre ce 5e, 4e siècle dont on parlait à l'instant même avec Thucydide, et puis la période qui est la plus féconde, pourrait-on dire, en texte sur la question de la piraterie, c'est-à-dire le 2e, 1er siècle avant notre ère. C'est-à-dire que pour les Romains, il y a une différence qui est fondamentale. Quand il y a guerre, il y a une déclaration de guerre et la guerre est faite avec des ennemis, des hostes en latin. Et le droit des gens s'applique dans ce cas-là. Et la règle veut que quand une cité est prise, le vainqueur peut tout faire, y compris détruire la cité. Dans le cas des pirates, la guerre n'est pas déclarée contre eux, la guerre n'est pas juste, ce ne sont pas des ennemis au sens propre du terme, et donc le droit des gens ne s'applique pas dans ce cas-là, et c'est aussi pour cela que la conduite des pirates est jugée inadmissible, parce que il n'y a pas de guerre à proprement parler. Victor Massé d'Épinay. Oui, Claude Saintès, est-ce que les textes ou les vestiges archéologiques nous apprennent quelque chose des conditions matérielles des prises pirates? Est-ce qu'on sait quelque chose de la façon dont on prenait les bateaux, dont on se battait? Est-ce que les abordages, par exemple, étaient fréquents ou est-ce que c'était essentiellement des manœuvres d'intimidation? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Alors, l'archéologie elle-même ne répond pratiquement pas à cette question. On a très très peu de bateaux ou de vestiges qui nous illustrent ce propos. On a, pour tout vous dire, reconnu que deux épaves, c'est très très peu, qui puissent poser la question. Ces épaves, il y en a une qui se trouve notamment sur un site qui s'appelle Le Sec à Palma de Majorque. C'est un bateau de commerce qui est à moitié brûlé. Et surtout, mes collègues qui ont fouillé ce site ont vu qu'il y avait de nombreuses pointes de flèches en métal fichées à l'intérieur des bordées qui restaient. On a aussi un certain nombre de balles de fronde, les baléares étant les baléares, le peuple baléare étant les spécialistes frondeurs, pouvant atteindre des buts d'une manière très précise. Donc on a là clairement une attaque d'un bateau de commerce. Il ne s'agit pas d'un bateau de guerre. Donc c'est une information. Après, tout le reste nous vient de la littérature. Comme l'a dit ma collègue Madame Wolf, c'est vraiment la littérature, c'est les romans qui nous donnent des informations, parce que les romanciers grecs brodent, mais ont, si vous voulez, à chaque fois, à partir de la réalité. Notamment, nous savons que les pirates avaient des informateurs. Il y avait des informateurs dans les ports, et ces informateurs tendaient l'oreille dans les tavernes, sur les quais. Et si quelqu'un se vantait d'être en train de partir pour Alexandrie, par exemple, avec une superbe cargaison d'objets de valeur, eh bien cet informateur avisait immédiatement les pirates afin qu'ils puissent tendre une embuscade. Oui, parce que les pirates ne s'intéressent pas forcément à des marchandises qui intéressent Rome, et en particulier la République romaine, à savoir le transport des blés qui peuvent venir d'Égypte et de l'autre côté de la Méditerranée, parce que ça n'est pas facile à transporter sur le bateau des pirates, mais ils s'intéressent plutôt à des bijoux, à de l'argent, à de l'or, enfin des choses qui sont plus faciles à transborder d'un bateau à l'autre, j'imagine, Claude Saint-Esse. Oui, tout à fait. On a des pirates qui vont au plus vite et au plus profitable. C'est-à-dire que si une cargaison est constituée de soieries, de parfums, de bijoux et de tout ce que vous voulez de précieux, c'est pour eux un gain extraordinaire. De même, les esclaves, pouvoir récupérer une cargaison humaine, pardon de parler comme ça, mais pouvoir récupérer des êtres humains et les vendre, ça c'est formidable, ça coûte très cher, ça peut coûter très cher, et c'est tout à fait intéressant, puisque la marchandise marche elle-même, si j'ose dire. Là, en revanche, le fait d'arraisonner des cargaisons de blé, des cargaisons d'huile, ça va intervenir plus tard, ça va intervenir au moment où il y a cette piraterie qui devient globale, totale, avec les Siliciens dont on a déjà parlé, où là, on a des villes entières à nourrir, on a des milliers de pirates à nourrir. C'est pas seulement 10 pirates sur un bateau, c'est des milliers de pirates à nourrir. Et là, arraisonner une cargaison de blé, c'est très intéressant. Et c'est ce qui va créer les problèmes que l'on connaît à la fin de la République. Est-ce que vous pouvez nous présenter Xénophon d'Éphèse, auteur du texte qui va être lu dans un instant par Nathalie Canoui, et qui dans Les Éphésiaques, ou le roman d'Abrocomès et d'Antia, donc décrit la cruauté d'un pirate, à savoir un chef pirate. On les appelait, je crois, les archipirates, donc, qui s'appellent Corymbos. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui était ce Xénophon d'Éphèse et pourquoi il est important dans la description littéraire de ces pirates, donc tout de suite au début de notre ère? Alors, c'est quelqu'un qui fait partie des romanciers grecs. Mmh. On a peu d'informations sur lui, donc je peux pas beaucoup préciser. Ce que l'on sait, c'est que ses romans étaient tout à fait populaires. Pardonnez-moi cette comparaison qui va faire sourire vos auditeurs, mais c'est un peu la collection Harlequin de l'Antiquité. hein, ma collègue, Madame Wolf, sourit un peu, mais c'est un peu ça, avec un niveau supérieur tout de même. Mais on a toujours les mêmes ressort. C'est-à-dire, vous avez une belle héroïne merveilleuse, vous avez un beau héros, vous avez des gros méchants qui veulent leur faire du mal, vous avez des aventures aussi invraisemblables les unes que les autres qui arrivent en cascade. Voilà. Dans ce sens, ça me... Un roman d'aventure, quoi. Voilà. C'est un roman d'aventure, un roman de cap et d'épée. Enfin, on a toute cette comparaison. Après, ce qui est intéressant pour nous, historiens, c'est que à travers ces textes qui sont codifiés, qui sont connotés, etc., on arrive entre les lignes à lire des informations qui nous permettent d'avoir eh bien une vision un peu plus claire, hein. On parlait de ces tactiques, on parlait il y a dans ce roman à un moment une poursuite entre un bateau de commerce et puis les pirates arrivent avec un bateau beaucoup plus léger, les bateaux souris dont parlait Mommsen, un bateau beaucoup plus léger, donc beaucoup plus capable d'évoluer rapidement, et puis le gros bateau se fait peu à peu rattraper par le tout petit bateau beaucoup plus agile, et les pirates ainsi peuvent donner l'assaut. Voilà, on a ce genre d'informations qui nous sont précieuses. On écoute d'ailleurs ce texte de Xénophon d'Éphèse tiré des Éphésiaques, lu justement par Nathalie Canouy. Des pirates phéniciens montant une grande galère s'étaient trouvés d'aventure mouillés auprès d'eux dans le port de Rhodes. Ils feignaient de transporter des marchandises. Ils étaient d'ailleurs en nombre et prêts au hardi coup de main. Ayant appris qu'il y avait sur le navire éphésien de l'or, de l'argent et beaucoup d'esclaves de prix, ils avaient résolu de l'attaquer, de tuer ceux qui résisteraient et d'emmener les autres avec le butin précieux en Phénicie où on les vendrait. Ils n'avaient que mépris pour ces faibles, incapables de leur résister. Le chef des pirates, nommé Corumbos, était un jeune homme de haute taille, au regard farouche, aux cheveux longs et sales. Quand ces écumeurs des mers eurent médité leur coup, ils commencèrent par naviguer de conserve et de l'air le plus innocent avec le navire d'Abrocomès. Puis, soudain, vers le milieu du jour, quand les marins d'Éphèse, rompus par le vin et la paresse, gisent endormis ou impuissants, Corumbos et ses hommes foncent sur eux à toute vitesse. Dès l'abordage, ils sautent dans le navire, les armes à la main, l'épée nue. Les Éphésiens, surpris et terrifiés, se jettent à la mer et périssent, ou cherchent à se défendre et sont égorgés. Abrocomès et Antia courent vers Corumbos, dont ils embrassent les genoux. « Tu es notre maître, lui disent-ils, prends nos biens, fais de nous des esclaves, mais laisse-nous la vie. » À ces mots, Corumbos donne l'ordre de les épargner. Avec le plus précieux de la cargaison, il embarque à son bord Abrocomès, Antia et quelques esclaves. Il met le feu à leur navire. Le pirate jugeait en effet peu sûr et même impossible de les emmener tous. C'était un spectacle pitoyable que ces gens, dont les uns se voyaient emmenés par les corsaires, tandis que les autres, dans le navire abandonné, périssaient par le feu. « Maître aimé, disaient les uns, où donc êtes-vous emmenés ?» Et les autres répondaient, « Heureux, vous qu'un sort clément fait périr avant de vous être vus esclaves des pirates. » Un extrait de Xénophon d'Éphèse, des Éphésiaques, donc dans notre émission consacrée aujourd'hui à la piraterie antique. Victor Massé de l'Épinay. Oui, une petite question sur la sécurité des mers. Évidemment, quand un navire est abordé par des pirates, il est trop tard, certainement, pour se défendre. Mais est-ce qu'il existe tout de même, dans les siècles qui précèdent le premier siècle avant Jésus-Christ, puisqu'on va voir que là, il s'est passé des choses importantes, est-ce qu'il existe une sorte de police des mers? Est-ce qu'il y a des forces légales et officielles qui sont là pour chasser les pirates ou peut-être négocier avec eux des libérations d'esclaves, Claude Saint-Ès? Alors, on ne peut pas parler d'une organisation précise. En revanche, ce que l'on sait, c'est que les Romains de la République avaient tendance à réagir au coup par coup. Et lorsqu'il y avait un problème quelque part, soit on affrétait des navires romains, le Sénat votait des budgets pour créer une flotte particulière et on entreprenait une expédition. Soit on s'appuyait sur les alliés de Rome, Rhodes, par exemple, était un des alliés maritimes de Rhodes tout à fait apprécié, et on avait quelque chose de ponctuel. Mais les Romains vont vite s'apercevoir que, avec la piraterie grandissante dans ces années-là, on est dans une espèce de poursuite sans fin. On résout un problème quelque part, on a tel ou tel général qui va avoir un succès, mais ensuite, la piraterie renaît. Et on est dans un état qui inquiète de plus en plus. Les personnages les plus importants de l'Empire commencent à se faire kidnapper. Jules César, va être kidnappé lui-même, des sénateurs. On a un texte qui était terrible pour Rome et qui dit que certains sénateurs faiseurs de loi avec leurs licteurs sont pris en otage alors qu'ils sont à côté de Rome, dans leur villa maritime sur la mer Tyrrhénienne. Et en plus, les pirates se moquent de la majesté de Rome. Ils n'ont aucune peur de Rome. On a un Romain qui, pris sur un bateau, va dire « Vous ne pouvez pas m'attaquer, je suis un Romain, ce n'est pas possible. Notre Rome est la plus puissante et vous devez lui obéir. » À ce moment-là, les pirates se tapent sur les cuisses en ayant toute l'apparence de la peur, en disant « Oh mon Dieu, nous avons peur, vous êtes un Romain, vous avez raison, mais nous allons vous libérer. » Et à ce moment-là, ils mettent une planche sur le bordet et ils poussent cet homme en toge à la mer en lui disant « Tu es libre de retourner jusqu'à Rome. » Évidemment, il se noie au bout de quelques mètres. Oui, alors évidemment, vous avez évoqué cet enlèvement temporaire de César. Voici ce qu'en dit une des nombreuses versions de cet enlèvement de César, alors qu'il était tout jeune, je crois qu'il avait 25 ans environ. C'est dans « Les vies de César » de Suétone, lu par Nathalie Canoui. Après avoir séjourné là quelque temps, il se rembarqua et fut pris dans les parages de Pharmacousa par des pirates, dont les grandes flottes et les innombrables embarcations, à cette époque déjà, dominaient la mer. Tout d'abord, comme les pirates lui demandaient 20 talents pour sa rançon, il se moqua d'eux en leur disant qu'il ne savait pas qui était leur prisonnier, et de lui-même, il leur en promit 50. Puis, ayant envoyé ses compagnons dans différentes villes pour se procurer cette somme, il resta au milieu des pirates ciliciens, les plus sanguinaires des hommes, avec un seul ami et deux serviteurs, et les traita avec tant de mépris que toutes les fois qu'ils voulaient dormir, il leur envoyait dire de garder le silence. Il passa ainsi 38 jours avec eux, moins comme un prisonnier que comme un prince entouré de son escorte, jouant et faisant ses exercices avec eux, ou composant des poèmes et des harangues qu'il leur lisait. Et ceux qui ne les admiraient pas, il les traitait en face d'ignorants et de barbares, et souvent il le menaça en riant de les faire pendre. Cela les amusait car il mettait cette franchise sur le compte de la naïveté et de l'enjouement. Mais dès que César eut reçu de Milet sa rançon et qu'il la leur eut payée, le premier usage qu'il fit de sa liberté, ce fut d'équiper des vaisseaux et de quitter le port de Milet pour cingler sur ses brigands. Il les surprit encore au mouillage sur la côte de l'île et les fit presque tous prisonniers. Il prit tout l'argent comme butin. Quant aux hommes, il les fit jeter en prison à Pergame et à la Trouva, le gouverneur de la province, Iuncus, à qui il appartenait en tant que prêteur de punir les captifs. Iuncus jeta un œil de convoitise sur leur trésor, qui était considérable, et répondit qu'il examinerait le cas des prisonniers à loisir. Alors César laissa là le prêteur, retourna à Pergame, tira les pirates des prisons et les fit mettre en croix, comme il leur avait annoncé plusieurs fois dans l'île, en paraissant plaisanter. Catherine Wolff, voici ce que disait donc Suétone dans sa vie des Césars, de cette équipée particulière du jeune Jules César, justement rentrant de Bithynie sur la mer Noire où il avait rencontré le roi Nicodème et se trouvant pris par des pirates. On a l'impression qu'on est là de cruauté en cruauté, c'est-à-dire qu'il y a la description de cette cruauté qui est... disons, relativement pratique pour les Romains qui mettent en œuvre cette idée que le personnage du pirate est un personnage d'abord cruel et haineux, mais il y a aussi cette représailles que met en œuvre César soi-même dans un contexte très particulier qui est quand même cette fin de deuxième siècle avant notre ère et début de premier siècle qui est un moment très tendu, pourrait-on dire, de Rome face à ces pirates. Oui, on est en fait dans les années 75-74, autour de ces années-là, et c'est vraiment le moment où la piraterie est à son sommet, enfin, la grande piraterie, et il y a encore quelques années à attendre avant l'intervention de Pompée en 67, et l'épisode de César, il a réellement été fait prisonnier par des pirates. Il y a beaucoup de choses qui qui sont broderies autour de l'épisode, comme le fait qu'il demande qu'il dise qu'il faut une rançon plus forte pour lui, ou bien son attitude avec les pirates. Mais tout le fond de l'histoire est vrai. Il y a donc les pirates font leur métier, hein, ils capturent un prisonnier, ils demandent une rançon, parce qu'on a beaucoup parlé de la vente des prisonniers, mais l'autre source de gain pour les pirates, c'est de demander des rançons pour les personnes célèbres. Et en général, cette rançon est versée, sinon le personnage est vendu, bien évidemment, comme esclave. De la part de César, il n'y a pas cruauté, il y a... juste sanction. Voilà, juste sanction. Avec quand même la précision qu'il n'a pas été tout seul pour capturer les pirates et qu'il s'est sûrement fait aider par les cités d'Asie Mineure qui avaient intérêt à la suppression de cette piraterie. Claude Sintès, effectivement, vous livrez dans votre livre sur les pirates contre Rome, vous livrez une analyse serrée de ces textes, parce que ce n'est pas le seul texte d'écrivain d'Antiquité qui raconte cette aventure de César, en disant effectivement qu'il y a des parts de vérité, comme vient de nous le dire Catherine Wolf, mais qu'il y a aussi une part de la part de César de se vanter, d'abord de demander plus cher que ce que demandent les pirates pour sa libération, mais aussi de cette ruse qui ressemble à des ruses disons issus de la littérature antique et en particulier de l'Odyssée, donc de César qui se joue de ceux qui sont pourtant dont il est pourtant le prisonnier. Oui, c'est cela. Il faut imaginer que César a raconté cette histoire, puisqu'il en est le seul témoin avec d'autres personnages que l'on ne connaît pas. Il a raconté cette histoire bien plus tard, à un moment où il était en train de rédiger ses mémoires et où il est devenu le personnage considérable que l'on connaît. Donc, je pense, après avoir étudié ce texte, qu'il a, comme disait ma collègue à l'instant, qu'il a arrangé, qu'il a brodé un peu l'affaire afin de se mettre sous son meilleur jour. Il apparaît comme celui qui n'a pas peur des pirates, qui se moque d'eux. Il apparaît comme celui qui a le sentiment réel de sa valeur et qui veut augmenter son prix. Ce qui est très intelligent d'ailleurs, parce que ça permettait de le rendre encore plus précieux aux yeux des pirates. Mmh. Et puis, il y a quelque chose que j'ai pu démonter, c'est-à-dire que il donne l'impression dans son texte qu'il est libéré et qu'il devient la nuit suivante pour attraper les pirates. Or, en étudiant les cartes marines, en étudiant les courants majeurs de cette époque, en étudiant la vitesse possible pour les bateaux de cette époque, eh bien, matériellement, il n'est pas possible de faire l'aller-retour entre la petite île de Pharmacus, qu'on connaît bien, la côte de Millet, puis revenir... Tout ça en 24 heures, étant entendu qu'en plus, il a fallu qu'il obtienne des cités, des bateaux, etc. Donc, il a été certainement beaucoup plus long d'attraper les pirates, peut-être plusieurs jours. Mais César voulait donner l'impression que c'était celui qui réagissait immédiatement, celui qui prenait les très bonnes décisions à la seconde et celui qui les mettait en œuvre sans aucune faiblesse. De la communication politique. César souhaitait... C'est de la communication, tout à fait. C'est de la communication et César en était passé maître, on le sait tous. Victor Massé de Lépinay. Oui, quelques années avant cet enlèvement de César, vers 100 avant Jésus-Christ, Rome a promulgué une série de lois qu'on appelle loi piratique ou loi sur la piraterie, en voulant prendre de front ce problème de la piraterie, particulièrement en Cilicie. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette loi piratique, Claude Sintès ? Eh bien, on trouve le souhait de punir les pirates où qu'ils se trouvent. C'est-à-dire qu'on demande à tous les rois, à toutes les cités liées à Rome, de couper les vivres, en quelque sorte, aux pirates, c'est-à-dire de ne plus les accepter dans les ports, de ne plus procéder à des ravitaillements, à leur donner de l'eau, de ne plus acheter leurs marchandises sous peine de punition. Mais c'est quelque chose qui n'aura pas pu être mis en œuvre aussi facilement que ça, parce que, à nouveau, beaucoup de gens avaient intérêt au commerce avec les pirates. Ils étaient certes de dangereux personnages, vous pouviez en être les victimes, mais quand vous faisiez des affaires avec eux, c'était tout bénéfice, si je puis dire. Et c'est donc effectivement à Pompée que reviendra finalement, après beaucoup d'autres expéditions entre 100 et les années 70, donc que reviendra le soin de mettre en place une véritable stratégie de quadrillage de la Méditerranée. Florus, l'historien romain du début du IIe siècle, nous la raconte, lu par Nathalie Canoui. Pompée, voulant anéantir d'un seul coup et à jamais le fléau de la piraterie qui s'était répandu sur toutes les mers, fit, pour les attaquer, des préparatifs dont l'ampleur paraît surhumaine. Abondamment pourvu de navires, les siens et ceux de ses alliés rhodiens, il mit à leur tête plusieurs légats et préfets et bloqua les deux issues par lesquelles la mer débouchait sur le pont Euxin et l'océan. Gellus fut chargé de la mer de Toscane, Plautius de celle de Sicile, Attilius cerna le golfe de Ligurie, Pomponius celui des Gaules, Torquatus celui des Baléares, Tibérius Néron le détroit de Gadès, là où se trouve la première porte ouvrant sur notre mer. La mer de Libye le fut par Lentulus Marcellinus, celle d'Égypte par les fils de Pompée, l'Adriatique par Terentius Varron, l'Égée, le pont et la mer de Pamphylie par Métellus, la mer d'Asie par Scépion, Porcus Caton obstrua avec ses navires l'entrée de la Propontide et la ferma comme avec une porte. C'est ainsi que sur toute la mer, dans les ports, les golfes, les repères, les retraites, les promontoires, les détroits, les péninsules, tout ce qu'il y avait de pirates fut enfermé et pris comme dans un filet. Pompée lui-même s'était attaqué au pays qui était l'origine et la source de la guerre, la Cilicie. Les ennemis ne refusèrent pas le combat. Leur audace semblait du moins à leur assurance qu'au fait qu'ils étaient enfermés. Ils ne soutinrent cependant que le premier choc. Puis, dès qu'ils virent nos éperons les entourer de partout, ils jetèrent aussitôt leurs armes et leurs rames, et battant des mains tous ensemble en signe de supplication, ils demandèrent la vie sauve. Nous ne remportâmes jamais de victoire moins sanglante, et jamais on ne trouva dans l'avenir une nation plus fidèle. Et c'est bien ce qu'avait prévu notre général, qui prit l'excellente décision de refouler ce peuple de marins hors de la vue de la mer, et l'attacha, pour ainsi dire, à des champs à l'intérieur des terres. Il rendit en même temps l'usage de la mer aux navires et à la terre ses habitants. Que doit-on le plus admirer dans cette victoire ? Sa rapidité, car elle fut acquise en 40 jours ? La chance que l'on eut, car pains à navire ne fut perdu ? Ou ses résultats éternellement durables, car il n'y eut plus de pirates ? Catherine Wolff, plus exactement, il n'y eut plus de pirates organisés comme ces Siliciens, donc autour de cette côte sud de l'Anatolie, tels qu'ils avaient organisé une sorte de république de pirates qui faisait craindre l'approvisionnement de Rome à tous les Romains et à la République romaine. Mais il y eut toujours des pirates, vous l'avez dit tout à l'heure. Ce qui est extrêmement intéressant, effectivement, c'est de voir dans ce texte de Florus comment on organise une véritable un débarquement, enfin l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler le 6 juin 44, le débarquement, c'est-à-dire une véritable mise en œuvre politique et militaire d'une stratégie pour éliminer ces groupes de pirates qui étaient très organisés. Catherine Wolff. Oui, là pour le coup, en 67, Rome a vraiment décidé de lutter contre ces pirates et une loi qui est la Lex Gabinia a donné à Pompée des pouvoirs absolument extraordinaires. Et d'ailleurs, il y a eu une forte résistance contre le fait de donner ces pouvoirs à Pompée. Et les anciens parlent quand même de 500 navires et de 20 légions sous les ordres de Pompée, sans compter les prêteurs dont le texte a énuméré les noms. Et c'est vrai que ça a été efficace, puisque la grande piraterie a été supprimée, mais ça n'a pas supprimé la petite piraterie. Et les auteurs disent bien que la première cause de la piraterie, c'est la pauvreté. Mmh. Et tant que la pauvreté n'est pas supprimée, la petite piraterie ne disparaît pas. Oui, on peut faire une histoire sociale, comme le fait Marcus Rediker, d'ailleurs avec des analyses qui ne sont pas acceptées par tous les historiens pour l'époque moderne, en tous les cas. On peut faire une histoire sociale de cette piraterie en Méditerranée antique, en l'occurrence Catherine Wolff. C'est-à-dire que les auteurs anciens disent souvent que si l'on se fait pirate, ce n'est pas parce que on apprécie particulièrement cette existence, mais parce que on n'a pas d'autre façon de gagner sa vie, de pouvoir vivre. Et puis les anciens considéraient également qu'il y avait des peuples qui étaient pirates ou brigands par nature. Et c'est en particulier le cas des Cyliciens, mais des Cyliciens qui habitent la partie de la Cilicie qu'on appelle la Cilicie Trachée, c'est-à-dire une région qui est particulièrement montagneuse et particulièrement pauvre. Et les anciens associaient souvent montagne, pauvreté et moyen de gagner sa vie aux dépens des autres. Victor Massé-Dépinay. Oui, Claude Saint-Esse. Donc la piraterie organisée et organisée en État va peu à peu disparaître de la Méditerranée, enfin même d'un coup en 67 avec cette invasion de Pompée. En revanche, le pirate littéraire, la figure du pirate a de beaux jours devant elle dans la littérature antique. Elle ne disparaît pas de la littérature des premiers siècles de notre ère. Bien sûr que non, parce que c'est une figure qui repousse et qui attire. C'est à la fois le méchant qu'on adore détester, c'est en même temps un danger qui est réel. Quand on prend la mer dans l'Antiquité, même après la victoire superbe dont a parlé ma collègue Madame Wolf, eh bien, on a quand même le risque, même sous Auguste, d'être pris par des pirates. Donc, c'est un petit peu un ressort tout à fait particulier qui permet d'intéresser le lecteur, de lui faire peur, un peu comme nos romans, hein, vous savez, on se fait peur à cause de ça ou ça. Et cette figure, en plus, permet des développements littéraires très intéressants. Dans Daphnis et Chloé, les pirates sont les imbéciles de l'affaire. On les fait apparaître dans plusieurs romans comme de mauvais marins. Il y a une tempête, ils ne savaient pas où tirer les agrès, ils ne savaient pas quel drisse il fallait abattre. Alors, ce qui était complètement faux, les pirates étaient d'excellents marins. Bien évidemment, leur vie en dépendait. Mais on aime bien se moquer d'eux comme ça, à peu de frais, si je puis dire, et le public est ravi. Merci à tous les deux, donc Claude Saint-Esse et Catherine Wolf. Je rappelle, Claude Saint-Esse, que vous êtes conservateur en chef du patrimoine et directeur honoraire des musées d'Arles, que vous êtes auteur des Pirates contre Rome, paru il y a 3 ans maintenant aux éditions des Belles Lettres, collection Realia, et que vous avez aussi collecté tout un tas de textes sur la façon dont on naviguait dans l'Antiquité, dans un très beau livre qui s'intitule « Sur la mer violette », évidemment en reprenant l'expression d'Homère. Quant à vous, Catherine Wolf, vous êtes professeur d'histoire romaine à l'Université d'Avignon, et vous êtes auteur d'un livre sur les brigands sous le Haut Empire, qui a été publié à l'école française de Rome. On peut citer également la thèse, qui n'a pas été encore publiée, du jeune Clément Varenne, donc soutenu en 2013, sur la piraterie dans la Méditerranée antique. Merci donc à tous les deux de nous avoir éclairés sur ce phénomène particulier de la piraterie antique depuis les studios de France Bleu Gare Lozère à Nîmes, que nous remercions de vous avoir accueillis. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Marion Dupont. Anthony Thomasson était aujourd'hui à la technique avec nous et Renaud Dalmar à la réalisation. Merci à Nathalie Kenoui pour la lecture des textes, bien évidemment, de cette émission d'archives du mardi. Et puis nous retrouvons demain Victor Massé-Dépinay pour une autre émission consacrée à la piraterie. Et à l'archéologie que nous avons très brièvement évoquée aujourd'hui. Là, ce sera plus l'archéologie de l'époque moderne pour la piraterie et la guerre de course. Merci.